Votre sélection débutera après cette publicité. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Jeux olympiques du centenaire, les Jeux d'Atlanta en 1996. $3,5 milliards de spectateurs regardent cette finale. Cette fois, le départ est bon. Excellent départ. C'est près de... Frédéric, c'est Fredericks. Mais Bailey revient! Bailey revient! Médaille d'or! David Bailey! Record 9,84, record mondial! Record mondial! Nouveau si record c'est mondial! Oh. C'est le 27 juillet 1996 que le coureur canadien Donovan Bailey remporte la médaille d'or du 100 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta. Quelques jours plus tard, les Canadiens privent à nouveau les Américains de l'or, cette fois aux 4 fois 100 mètres. Cette double victoire canadienne aux Jeux de 96 est un peu considérée comme un affront par les Américains, qu'ils vivent comme une humiliation. Eux, le public américain, qui après tout reçoit cette année-là ce qu'on a appelé les Jeux du centenaire, en référence bien sûr aux premiers Jeux de l'ère moderne tenus à Athènes en 1896. Le journaliste Robert Froisy était à Atlanta en 1996. Il a accepté de venir nous raconter ces Jeux du millénaire dans le cadre de notre série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, qu'ils ont couverts dans ce cas-là. Robert Froisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Et ces Jeux-là, les Jeux d'Atlanta de 1996, ils sont spéciaux pour vous parce que ce sont vos premiers Jeux comme journaliste. Oui, c'était l'excitation. C'est un peu comme les Oscars, nos Oscars à nous dans le monde sportif, quoi. On est avec le monde entier, on arrive, on nous accrédite, on nous met cette fameuse pancarte qui nous fait entrer normalement partout. Et c'est une chance, c'est un honneur de couvrir les Jeux. C'est plus qu'un honneur. Je pense que c'est ce qu'espère tout journaliste sportif. Et puis c'était dans une ambiance particulière parce que ces Jeux d'Atlanta, en fait, devaient être les Jeux rendu à Athènes, puisque c'est à Athènes qu'on condensait les Jeux. Et il y a eu toutes sortes de magouilles, en fait, pour arriver à acheter finalement ces Jeux. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que Coca-Cola, c'est la ville d'Atlanta. Et Coca-Cola, c'est aussi l'un des plus grands pourvoyeurs financiers. On parle de centaines de millions. Et il ne fallait pas froisser, en fait, le pourvoyeur financier du Comité international olympique. Et c'est comme ça un petit peu que ça s'est joué. D'ailleurs, on les a même appelés les Coca-Olympiques. Ah oui. Oui. Donc, par l'argent, encore une fois, diraient certains, mais ces Jeux reviennent à Atlanta grâce à ce commanditaire et tout le fric qu'il a à Coca-Cola, parce que c'est vrai que Athènes les voulait, ça aurait été beau, les 100 ans des Jeux modernes. Ils les auront, mais quelques années plus tard, en 2004. Ces premiers Jeux, pour vous, c'est aussi un peu, parce que vous en avez fait plein d'autres après, racontez-moi quand même un peu ça, les conditions de travail, c'est un peu la préhistoire. Ah bon, on est dans la préhistoire totale. Écoutez, je me souviens, et puis on y reviendra sur la bombe au parc du Centenaire, mais juste pour l'anecdote, on avait un espèce de gros téléphone satellitaire. C'était notre moyen de communication d'urgence qu'il fallait utiliser avec beaucoup de parcimonie. Donc, alors, comment on faisait ? On avait un studio en ville, mais alors, pour communiquer avec Montréal, s'il fallait faire des directs, on avait les cabines téléphoniques. Et donc, on entrait dans la cabine téléphonique avec toujours, évidemment, beaucoup de pièces sur nous, locales, évidemment. Ouais, la petite monnaie. La petite monnaie, absolument, le change. Et puis, eh bien, on avait un espèce de petit enregistreur à cassette avec lequel on faisait nos entrevues. Il fallait en fait donner le in et le out du clip qu'on voulait. On faisait un premier test de son, mais là, tout ça, en mettant des pièces dans la cabine téléphonique et en ayant des gens qui s'accumulent aussi et qui frappent à votre porte parce qu'ils veulent aussi bénéficier du service public. Et écoutez, par moments, c'était vraiment à rire, mais c'était nos conditions de travail de l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ben voilà, c'est vraiment le Moyen-Âge quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui. Tout ça, je le rappelle, non pas à Athènes en 1896, mais à Atlanta en 1996. Et vous êtes à Atlanta, Robert, vous, pour couvrir essentiellement l'athlétisme et la boxe. C'est donc de ces disciplines, surtout d'athlétisme, dont on va parler au cours de cette émission, parce que c'est ce qui a marqué la présence canadienne à Atlanta. Mais un petit mot quand même sur la boxe, parce que dès le départ, l'amateur de boxe que vous êtes va être vraiment comblé, là, au moment même de la cérémonie d'ouverture. Oui, parce que il faut se dire qu'à chaque cérémonie d'ouverture, les paris sont ouverts. Pourquoi ? Pour savoir qui quelle est la personnalité qui va finalement, la dernière, allumer la vasque olympique. Et donc, évidemment, il y avait beaucoup de spéculations à l'époque. Et quand j'ai vu que finalement, c'était Mohamed Ali, la légende, ouais. Mais la légende malade, atteint déjà de la maladie de Parkinson. Et pour quelqu'un qui est un amoureux de la boxe et surtout amoureux de ce grand champion, peut-être le plus grand boxeur de tous les temps, avec en plus ses implications politiques, etc., eh bien, on va le voir trembler à peine possible de lever donc son flambeau pour allumer la vasque. Et je peux vous dire que ça a été un moment, oui, d'émotion, un moment aussi de se dire, mon Dieu, le champion est rendu là. Quoi. Ouais. Mais c'est la légende quand même qui est devant vous à ce moment-là, à qui on avait redonné sa médaille d'or de Rome parce qu'il l'avait perdue entre-temps. Vous parliez il y a un instant du téléphone satellitaire. Vous allez l'utiliser pas mal au moment où, parce que vous y faisiez référence aussi, au moment où il y a cette bombe qui saute. C'est dans la nuit du 26 au 27 juillet. On écoute à ce sujet un reportage de Claude Gervais. Il est un peu passé 1h du matin la nuit dernière quand une bombe explose pendant un concert de musique populaire. Tout près de la grande scène où se sont agglutinés les spectateurs, la nageuse américaine Janet Evans est en train de donner une entrevue à la télé quand tout bascule. C'est la panique. Des dizaines de blessés attendent qu'on leur vienne en aide. Tout le monde s'énerve et n'en croit pas ses yeux. L'impensable vient bel et bien de se produire. L'explosion a fait deux morts. Le parc du Centenaire, où la bombe a sauté, est immédiatement bouclé, ainsi que les rues avoisinantes. Les victimes sont emmenées à l'hôpital rapidement. Le FBI confirme qu'il s'agit d'un attentat terroriste à moins de preuves contraires. We will consider it an act of terrorism. Le FBI ajoute un peu plus tard que la bombe est de fabrication artisanale. Extrait du téléjournal du 27 juillet 1996. Qui est derrière cette bombe qui explose dans la nuit du 26 au 27 juillet, Robert Fauzi? Alors, c'est curieux. On nous réveille en pleine nuit. On se rend sur place. Évidemment, tout est bouclé. Et on était d'ailleurs quelques heures avant l'explosion de la bombe. On était l'équipe. C'était la fin de la première semaine des Jeux. Et on était sur cette place du Centenaire parce qu'il y avait un concert, etc. On est rentré évidemment plus tôt. Mais qui était derrière cette bombe? Eh bien, c'est très curieux hein, parce qu'on avait un héros au départ qui est Richard Jewell. Richard Jewell qui est un garde de sécurité, qui a vu un sac suspect, qui va demander à la foule d'évacuer, etc. Il va devenir donc le héros qui a peut-être sauvé des vies, quoi. Et petit à petit, eh bien, on cherche un suspect idéal. Et Richard Jewell va devenir le suspect idéal parce qu'on se dit, c'est lui, mais c'est peut-être un mythomane, ou c'est peut-être quelqu'un qui finalement a fomenté, s'est trouvé un alibi, et ça va être le coupable idéal, alors que quelques heures auparavant, il faisait toutes les chaînes de télévision comme un héros, etc. Ouais. Seulement, le FBI, eh bien, va se tromper. On apprendra seulement en 98, que Eric Rodolphe, en fait, était celui qui composait ces bombes artisanales. Derrière tout cela, il y avait ces espèces, cette extrême droite, en fait, et ce qui va donner, en fait, un climat, parce que déjà, ce climat, il faut le dire, hein, à Atlanta, c'était le vol de la TWA qui avait explosé en vol, donc l'avion. On ne savait pas si c'était un attentat. Souvenez-vous, en 95, il y avait eu aussi Oklahoma City. Ouais. Et donc, on savait qu'il y avait une menace potentiel terroriste, mais terroriste de l'intérieur. Ouais. Et ça, là, bah, c'était difficile à venir. Nous, écoutez, on prenait le métro tous les jours pour aller travailler et on se demandait, est-ce qu'il y aura d'autres bombes? Parce que c'était ça, le climat aussi. Ouais. Venons-en aux compétitions comme telles et surtout à cette performance brillante des Canadiens sur la piste de course à Atlanta qui reste vraiment le fait saillant, pour nous, en tout cas Canadiens, de ces Jeux d'Atlanta. C'est en train de tourner à la mauvaise blague. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe? La dérision. On est en train de tuer peut-être cette belle finale, mais écoutez, expliquons comment fonctionnent les faux départs. On a peut-être le temps de prendre chacun des doigts. Est relié à un système électronique qui déclenche un signal sonore dans le casque d'écoute du starter. Si le starter entend ce signal sonore, il se doit de tirer un deuxième coup de pistolet. Je crois qu'on vient de disqualifier le champion olympique, Linford Christie. Linford Christie est disqualifié. Quel scénario! Quatrième tentative de départ de la finale olympique du 100 mètres, messieurs. N'oubliez pas que Bolden a déjà été débité d'un faux départ. Lui aussi. Bolden est dans le 3. 3 milliards et demi de spectateurs regardent cette finale. Cette fois, le départ est bon. Excellent départ. C'est près de Fredericks. Bailey, c'est Fredericks. Mais Bailey revient. Bailey revient. Médaille. Devin Bailey. Record 9,84, record mondial. Record mondial. Si record c'est confirmé. Mondial. Oh. Et le vent est légal. 0,7 mètres par seconde. La limite permise, 2 mètres par seconde. On a parfois rajusté d'un centième. Si le temps de 9 secondes 84 de Donovan Bailey est retenu, il... Nouveau record mondial! Nouveau record mondial, c'est confirmé! Champion olympique pour le Canada! Oh! 9,84! C'est fait, c'est confirmé! Médaille d'or pour le Canada grâce à Donovan Bailey, le deuxième Frankie Fredericks, 9,89. Vient de voir le temps de chacun des coureurs, Paul. Wow! Wow! Quelle prestation de Bailey! Un moment magique! Le 27 juillet 1996, le coureur canadien, donc Donovan Bailey, remporte l'or aux 100 mètres à Atlanta. C'est Paul Hood et Claude Kenville qu'on vient d'entendre dans leur élan d'enthousiasme. Évidemment, c'est un grand, grand moment. Il y avait eu 4 faux départs avant cette course, avant ce 100 mètres, Robert Frozzi. Ça donne un moment, un grand moment, puis quelque chose de 4 faux départs, quelque chose de complètement fou. Racontez-nous ça. Ah, c'était hallucinant. J'ai encore des frissons parce qu'ils étaient juste au-dessus de moi. Je les entendais crier au-dessus de moi. Écoutez, déjà, le champion olympique, Linford Christie, c'était, il y a eu un silence dans le stade, il y avait plus de 80 000 personnes. Tout le monde attend ce moment. Le 100 mètres, là, vous savez, c'est vraiment la discipline la plus mythique, ouais. Parce qu'on va assister à celui qui court le plus vite au monde. Et ça, là... Dans l'imaginaire populaire, là, c'est quelque chose de fou. C'est effectivement quasi mythique. Alors, il y avait Ato Bolden qu'on attendait, le Trinidéen. Il y avait Frankie Fredericks, aussi le Namibien, qui était des favoris. Il y avait deux Américains. Il y avait Mitchell et Mike March. Et puis, il devait y avoir Bruni Surin, qui va être blessé en demi-finale et qui ne pourra donc pas faire la finale. Mais écoutez, cette course-là... Et puis, ce qu'il fallait voir, c'est le sourire de Donovan. Un sourire, là encore, légendaire. Donovan qui vient de fermer, en fait, parce que la trappe, et là, passez-moi l'expression, mais elle est juste, la trappe au sprinter américain. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe, hein, lors des entraînements. Ouais. Tout le monde se côtoie et tout le monde va essayer d'entrer dans ce qu'on appelle la bulle du sprinter. Et là, l'arrogance des Américains, mais même sur la ligne de départ, même pendant les qualifications, il y avait des petits mots qui étaient lancés, il y avait des. Et ces petits mots-là, bah, c'était des petits mots qui se sont répétés pendant les entraînements. Et tout ça. Donc, il y avait tout un jeu psychologique qui se jouait. Et surtout chez les sprinteurs qui sont des bêtes à part, là, qui sont vraiment, vous savez, des Formule 1 là, sur deux pattes, et puis, mais qui ont une arrogance absolument incroyable, chacun se pensant invincible. Ouais. Et il y avait donc cette guerre qui se jouait. Et c'est le Canadien Donovan Bailey qui va non seulement l'emporter, mais l'emporter devant le public américain. Exact. Et ça, c'était... inattendu. Et ça, c'est un premier pied de nez aux Américains, mais il y en aura un deuxième tout aussi, même plus formidable encore. C'est parti, Drummond et Esme sont les deux premiers. Drummond qui remettra à Harden, Esme à Glenroy Gilbert, l'homme qui a été le plus rapide sur 100 mètres lancés. Voilà le relais qui est bonne bon. Transmission et pour le bonne Canada. Transmission, et c'est Glenroy Gilbert maintenant. Gilbert qui avance bien. Gilbert qui va remettre à Bruni Surin. Alors que Mike Harden Marsh. Va remettre à Marsh. Bruni Surin contre et Mike Marsh. Et là, c'est bon. Bruni Surin accélère. Il dévore Bruni Marsh. Est en bonne position. Il dévore Marsh. Marsh. Souhaitons que le relais soit bon avec Donovan Bailey. Le relais est bon. C'est parti. Donovan Bailey s'en va. Surin, les bras en l'air. Allez, Donovan Bailey. Allez, Donovan. Qui va battre les Américains. Donovan Bailey. Médaille d'or pour le Canada. 37-69. Le Canada, champion du monde. Jacques Thériault, une victoire pour Donovan Bailey, Bruni Surin et leurs amis. Et on dit souvent qu'il ne faut pas applaudir dans les tribunes de la presse. J'étais pratiquement du debout sur la table. Hugues de Roussan a dû me rasseoir, Philippe. Difficile, effectivement. Je ne sais pas si vous applaudissiez Robert Frozzi, mais de rester impassible devant cette autre victoire. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est vraiment un exploit. Là. Le 3 août 1996, quelques jours après la victoire du 100 mètres par Donovan Bailey, le Canada, à nouveau, devance les Américains aux 4 fois 100 mètres. C'est l'un des moments forts pour le Canada des Jeux d'Atlanta. Parlez-nous de cette victoire-là. Parlez-nous des 4 coureurs qui nous représentent ce jour-là. Esme, Glenroy Gilbert, Bruni Surin, Donovan Bailey. Il faut savoir que, comme je vous le disais, il y avait une guerre psychologique. Ouais. Et même à l'entraînement, vous savez que l'équipe américaine avait dit carrément avait invectivé l'équipe canadienne en leur disant, passez-moi l'expression, on va vous botter le cul. Et Donovan, qui avait déjà été médaillé d'or au 100 mètres, dit, bah, c'est ce qu'on verra. Et ce qu'on verra, c'est ce qu'on a vu sur cette course qui est complètement incroyable. Parce que ce qu'il faut savoir dans un 4x100 mètres, ce sont des heures et des heures de répétition juste pour passer ce témoin que, eh bien, des fois, certains vont échapper. Ouais. Et ça, là, c'est la catastrophe. C'est déjà arrivé au plus grand, en fait, d'échapper des témoins. Et donc, ce geste qu'il faut répéter, il faut qu'il soit complètement synchronisé. Et le synchronisme canadien, ce jour-là, était tellement beau à voir. Écoutez, quand Bruny Surin va passer donc, le dernier relais à Donovan Bailey, il regarde sans doute sur le côté et il lève les bras en signe de victoire. Il sait déjà qu'à moins d'une catastrophe, l'or leur échappe. Et finalement, on va s'apercevoir que Donovan Bailey les a carrément clenchés. Ouais. Les Américains, c'était le cas de le dire, il est parti comme une fusée. Et si les Canadiens applaudissent à tout rompre dans le stade, journalistes inclus, parlez-moi de l'atmosphère quand même. C'est aux États-Unis. Déjà, le Canada vient de ravir l'or aux 100 mètres aux Américains qui étaient donnés favoris. Là, c'est rebelote avec le 4x100 mètres. Comment les Américains dans le stade, mais à l'extérieur, vont réagir? Écoutez, c'est la fin d'une suprématie. C'est la première fois dans l'histoire que l'équipe américaine allait être battue au 4x100 mètres. Et là, on vient d'écrire une page d'histoire. Et là, évidemment, il va y avoir, on va chercher le coupable. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a une polémique qui va s'installer. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi un certain Carl Lewis. Oui. Et souvenez-vous, Carl Lewis, c'est quand même pas le dernier des sprinteurs. Seulement, le problème, c'est qu'il n'avait pas fait le camp d'entraînement des relayeurs. Et donc, on s'est dit, on va jouer ça sûr, etc. Et encore aujourd'hui, la question se pose, et si Carl Lewis avait été intégré dans l'équipe américaine, est-ce qu'on aurait gagné ce fameux relais? La question se pose, j'ai une petit élément de réponse, parce qu'il était quand même en forme, vieillissant, mais en forme. D'ailleurs, il avait gagné la médaille d'or au saut en longueur, et puis il avait quand même des adversaires de taille, avec entre autres le Cubain Pedroso. Ouais. C'était quand même assez inouï de se dire, on va exclure un type aussi talentueux, qui est sans doute un des plus grands sprinteurs de l'histoire. Ce sont ses derniers jeux aussi, donc probablement hyper motivé. En même temps, je pense que techniquement, la décision était presque incontournable. C'est vrai, mais il aurait pu battre un record absolu, parce qu'il avait déjà égalé avec sa médaille d'or au saut en longueur le record de 9 médailles de Paavo Nurmi. Et là, il aurait eu 10 médailles. Il serait rentré encore plus dans le Gotha qu'il ne l'était. Ouais. Ils vont quand même, les Américains, sur cette fameuse piste de course à Atlanta, repartir avec un prix de consolation plus qu'honorable. Le départ est bon et surveillé. Johnson dans le couloir numéro 3. Johnson est très rapide, mais aussi Fredericks et Johnson. Otto Bolden qui est en tête, mais quelle poussée de Johnson! Johnson est en tête, il va réussir le doublé. Surveillons le temps maintenant. 19-32, record du monde! Pulvérisé! Record du monde et record olympique! Incroyable! Michael Johnson, tout simplement remarquable! Nous assistons à un moment à la bimune! Oh! Un moment d'euphorie sportive! Je suis absolument renversé! Pas possible! C'est incroyable, c'est inhumain! Le vent est bon! 0,4 mètres par seconde! C'est inhumain! Il est allé montrer son chandail et les toilettes USA à M. Primo Nebbiolo, le président de la fédération, et à tous les journalistes présents ici. Michael Johnson, record du monde, 19-32, nouveau record olympique. 19-32 réussi sur une piste Mundo, une piste super rapide. Je pense qu'il faudrait sortir une compilation, Robert Froisy, des meilleurs moments de Paul Hood quand il décrit les courses en athlétisme aux Jeux olympiques. 1er août 96, donc Johnson qui remporte l'or aux 200 mètres. C'est le prix de consolation des Américains, mais au-delà de ça, c'est un... On entendait Paul Hood, c'est un exploit, mais c'est un grand champion, Johnson. Non seulement un grand champion. Écoutez, la locomotive de Waco, c'est comme ça qu'on surnommait Michael Johnson. Imaginez 58 victoires en 7 ans, 4 titres olympiques, 8 titres mondiaux, des records qui ont tenu en plus des années. Le record du 200 mètres, savez-vous qu'il est, il a été pendant 12 ans, on n'a pas pu le battre. Et vous savez qui l'a battu? Eh bien, nul autre qu'Usain Bolt, après 12 ans. Ouais. Michael Johnson, c'était la race, quoi. C'était une race pur de sprinter, 200 et 400 mètres, en plus le premier dans l'histoire qui va gagner sur ces deux distances la médaille d'or. Donc, prix de consolation, mais il était temps. C'était le ouf de soulagement pour les Américains. Enfin, on allait montrer qu'on avait gardé de cette suprématie sur les pistes d'athlétisme. D'ailleurs, on parlait de la piste Mondo. Bah, la piste Mondo, vous savez que c'est une piste montréalaise construite ici, chez nous. Et ça, c'était aussi une première à Atlanta, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, vous l'avez mentionné, mais il y aura quand même aussi, au titre de la consolation américaine, cette 9e médaille d'or pour Carl Lewis au saut en longueur. Et un exploit. Il est parmi les rares. En fait, c'est le seul athlète, Robert, qui a remporté 4 fois un titre olympique dans une même discipline. Ouais. Et puis en plus, c'est le seul qui s'est qualifié à 5 reprises pour représenter donc les États-Unis, notamment au saut en longueur. Il avait quand même Mike Powell, qui était le champion du monde de l'époque. Il avait aussi Ivan Pedroso, le Cubain. Et pourtant, c'est Carl Lewis avec ce bond de 8,50 m qui va aller chercher l'or. Ouais. On va terminer cette émission en parlant de l'autre discipline, parce qu'on l'a dit au tout début, vous couvrez essentiellement ces Jeux d'Atlanta, l'athlétisme et la boxe. Et du côté de la boxe, l'amateur que vous allez être va aussi être satisfait sur le plan de la compétition. Mais on parlait de Mohamed Ali au tout début, de cette émotion que vous avez eue à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta. Vous allez avoir un autre grand moment d'émotion dans les coulisses des compétitions de boxe, Robert. Ben, écoutez, je vais vous ramener dans ma cabine téléphonique si vous le voulez bien. La bombe a explosé. Je suis en train de faire un direct. Je termine mon direct. J'ai envoyé tous mes sonores, etc. Et je sors de la cabine téléphonique et je vois arriver 2 gars de NBC et quelqu'un qui est au milieu des 2 gars. Et je me dis, mais je le connais. Vous savez, un petit peu comme Rantanplan dans Lucky Luke, là, c'est... Mais qui c'est? Et tout d'un coup, non, ça ne peut pas être lui. Pas Smoking Joe. Joe Frazier, là encore, une légende de la boxe, d'ailleurs, qui avait été un des seuls, je pense, ou un des rares à battre Mohamed Ali. Et donc, je m'approche et je dis, est-ce que je peux faire une entrevue avec vous, Monsieur Frazier? C'est pour la radio canadienne. Les gars de NBC me disent, oui, mais en marchant, parce qu'on est très pressé. Je dis, il n'y a pas de problème. Et donc, ensuite, je reviens en studio et je dis à Michel Desautels, qui était l'animateur, j'ai fait une entrevue avec Joe Frazier, qui d'ailleurs était très volubile. Il disait, il faut remettre, oui, pour analyser pourquoi cette bombe, pas parce qu'il faut remettre des valeurs dans les écoles, chez nos jeunes, etc. Et là, personne ne me croyait que j'avais fait une entrevue avec Joe Frazier. Bon, d'abord parce que mon anglais à l'époque était encore plus approximatif qu'aujourd'hui. Donc Michel ne me croyait pas. Et finalement, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'effectivement, j'avais rencontré Joe Frazier. Et ça reste, vous me corrigerez, mais l'une des grandes entrevues de votre vie. Oui, une très, très belle rencontre avec cet homme. Puis ensuite, écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer Teofilo Stevenson, qui était là encore un dieu cubain, vivant de la boxe, un poids lourd. Et j'ai assisté à cette finale où on avait un Canadien, David Difiabong, qui va rencontrer Félix Savon. Écoutez, Difiabong, il avait bien fait. Il avait battu Christophe Mendy, entre autres, Nat Jones. Eh bien là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire, mais alors, laminé 20-2 par Félix Savon. Mais Félix Savon, c'était l'imbattable. C'était le poids lourd cubain, la plus belle école de boxe qui puisse exister encore aujourd'hui. Tout ça à vos premiers jeux seulement, Robert Frazee. Mais heureusement pour vous, il y en aura plein d'autres après. C'était un bonheur de vous entendre nous parler des Jeux d'Atlanta. Merci beaucoup, Robert. Au revoir. Robert Frazee, journaliste au sport à Radio-Canada. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Ariane Cipriani. Recherche d'archives, Fanny Leblanc et Yvette Kéméré. Au site Internet, Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.